Le journal sud-coréen Kyungyang Sinmun a présenté un éditorial qui appelle les États-Unis à commencer par l'introspection de leur ancienne politique et le reflet suffisant de la position des pays voisins pour établir leur nouvelle politique coréenne.